si vous y allez aussi vite que je vous emmerde, pour une fois, vous serez en avance sur Lorraine. Alors que grandit l'envie de m'isoler. Si je râle, c'est parce que j'ai vu mes rêves se faire vitrioler. Pourtant j'y croyais, mais la vie m'a vitrionné. Désolé si trop longtemps je suis resté là à picoler. Mais je suis bien le fils de mon père, ouais. C'est clair, y'a pas photo, t'sais. Je voudrais ramener maman, mais elle est partie trop haut. Et si mes messages passent par la stéréo, c'est parce que quand je te vois souffrir, j'avoue que j'ai parfois pas les mots. Mais là c'est notre maître, et elle m'envoie dans un autre monde. Là où mes vœux les plus chers ne restent pas dans l'ombre. Pour esquisser un sourire, je ne sais faire autrement. Que d'oublier un court instant cet accident. Tout le monde pensait que ça me rendrait prudent. Premier mes potos, mais bon, je suis plus con que j'en ai l'air. La preuve est dans le poteau. J'ai même cru un moment que j'étais pas fait pour les autos. Il en a fallu deux autres, enfin, c'était pas trop tôt. Ouais. Laisse-moi le temps de recorriger les fautes et les conneries que j'ai commises. Tu sais, je me bats contre mon mal, mais il est solide. Puis je suis pas venu au mic pour faire le comique. Bon, laisse-moi le temps de recorriger les fautes et les conneries que j'ai commises, t'sais. La fille, je lui ai demandé du temps, mais non, mec, sorry. Elle m'a répondu, ici, pas de time is money. Laisse-moi le temps de faire une pause dans cette vie, ouais. Laisse-moi le temps de ressasser mes fautes. 27 années passées sur cette terre. Le temps défile à toute vitesse, mais j'ai du mal à regarder derrière. J'ai du mal à être joyeux, pourtant on dit de l'être. Frère, tu sais, ma peine, je lui ai tant écrit de lettres. Pousser des cris de détresse, ou des appels à l'aide. On m'a dit, tu ne vaincras pas seul ton mal-être, ouais, c'est clair et net. Mais bon, il m'a fallu du temps avant de me l'avouer. Je cachais sans cesse ma peine, j'avais l'air enjoué. J'avais l'air rond, c'est vrai, mais c'était pas ce que je voulais. J'ai claqué sans regret, et gardé en mémoire ma mère. Depuis je galère, mais bon, avant c'était souvent la même. Au moins comme ça, je sais vraiment pour quelles raisons on aime. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai trop souvent inquiété. Laisse-moi du temps, je finirai par me rattraper. Laisse-moi le temps de recorriger les fautes et les conneries que j'ai commises. Je me bats contre mon mal, mais il est solide. Puis je suis pas venu au mic pour faire le comique. Donc laisse-moi le temps de recorriger les fautes et les conneries que j'ai commises. La vie, je lui ai demandé du temps, mais non, mec, sorry. Elle m'a répondu, ici, pas de time is money. Je pourrais pas me retrouver dans 10 ans, me disant. Si j'avais pris le temps, je ne serais pas là m'enlisant. Mais grandissant, de mes erreurs envahissantes, je m'en rappellerai en les lisant. Donc j'agis de la sorte à présent et en ressortirai plus puissant. Et puis en parlant d'erreurs, c'est pas en chien, là faut que tu bouges. Car c'est des heures, je peux pas t'en donner plus que 24 par jour. Je bosse à plein temps, et puis les pauvres, je peux pas t'en accorder de trop. Mais ça, je m'en fous, je veux juste rien regretter quand je m'entrais dans le rétro. Et puis il est trop tôt pour parler d'abandon. Peut-être pour tôt, mais attention, on se cache pas derrière un mur de lamentation. La vie, c'est action, réaction. J'espère qu'il te reste de l'essence dans tes réacteurs. La passion, c'est le son par coup de pression à tous mes détracteurs. Je lâche que j'ai sur le cœur et je rappe avec raison. Je me bats avec mes feuilles et parle avec mes sons. Donc laisse-moi le temps que je fasse place à l'introspection. Si de ma vie je fais un album, appelle ceci l'intro de mes songes. Demander du temps, mais non, mec, sorry. Elle m'a répondu, ici, pas, c'est time is money.